Aussi, c'est-à-dire que je voulais t'amener à parler un peu du mensonge cosmique, comme dirait Bernard de Montréal, qu'on se fait crosser par le cosmos, on se fait avoir, on se fait manipuler, dans le sens que le niveau de complot qui me dérange plus, c'est à quelque part celui des forces de la lumière qui ont mis en place des politiques relatives aux mensonges cosmiques. L'affaire, là, c'est que, bon, faut que ça soit régulé. Je veux dire, ces affaires-là. Admettons, l'être humain, est-ce qu'il serait capable de s'auto-gérer puis de savoir tout, psychologiquement comme il est là? Ou s'il s'auto-détruirait pas? Peut-être que faut comploter contre lui-même parce que, dans le fond, l'être humain, il est son propre danger, là, il est son propre ennemi. Donc, tu viens légitimer justement qu'il y a des complots par des forces en haut lieu, les forces éthériques. Tu peux comploter pour le bien. Ben c'est là que ça devient intéressant à étudier puis à explorer. C'est la dimension motivationnelle derrière le complot. Parce qu'il y en a qui vont dire la fin justifie les moyens. Donc, même si c'est très machiavélique, puis c'est très stratégique pour amener les gens dans une direction, si le but, c'est que la personne évolue, c'est correct. Ben, c'est parce que nous autres, on voit ça de notre point de vue à nous autres. Mais ben franchement, d'autres points de vue, l'ego il meurt, puis il est lié au temps et à l'espace, puis il est pas aussi important que d'autres affaires. Fait que c'est encore basé sur l'évolution de l'âme. Donc, il y a des forces qu'eux autres, s'il y a une affaire que tu peux intégrer pendant une vie, mettons, puis que une affaire qu'il faut que tu intègres, ça fait partie un peu comme de ton plan. Ton plan, tes programmes, ta programmation. Si pour que tu l'intègres, il faut que tu souffres d'une façon atroce, ils vont le faire. Puis la Puis fois, en ont. Hein? ils n'en ont rien à foutre que la personne souffre, ils n'ont pas de compassion. Fait qu'ils sont un peu comme des sociopathes ou certains psychopathes qui nous gouvernent. La force, c'est que plus que plus que t'as l'évolution des âmes qui se fait, ben, plus que c'est des armes de plus en plus perfectionnées. Fait que d'une certaine façon, tu vas souffrir pour intégrer, mais avec le temps, ça fait des armes de plus en plus perfectionnées. OK. L'ego, par exemple, que dans une existence, il souffre beaucoup de complots qui, justement, proviennent du plan éthérique, qui vont le raffiner sur le plan énergétique ou structurel. Une fois que le corps, la vie prend fin, l'âme, par la suite, si l'âme n'a pas fusionné, ben, elle se ramasse en astral puis est récupérée par Oui, des forces. d'étudier, puis Ouais. chaque partie, tu sais, c'est multidimensionnel, un humain incarné, mais quand il se désincarne, chaque partie, elle retourne à C'est d'où ça, elle vient. mais je veux dire, l'âme qui est un peu plus perfectionnée, si elle n'a pas fusionné, que l'esprit est pogné et pris à se réincarner par la suite. Oui, mais tu sais, la notion de réincarnation est spéciale parce que, dans le fond, l'ego, lui, il meurt. Puis les égos se réincarnent pas. C'est ça qui est spécial, mais même, il reste l'âme, elle est immortelle, on dirait qu'elle meurt pas. Mais il reste que c'est pas une l'âme puis l'ego, c'est pas la même affaire. Puis une âme, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est pas humain, comme. Je veux dire, tu sais, admettons que t'as un contact avec un ego humain, tu sais, psychologique, puis tout, puis tu parles avec, puis il y a des réactions, puis tout, puis tandis que, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose il y a une personne, tu sais, qui est là. Mais l'âme, là, les âmes, là, c'est bizarre, ça ressemble, c'est pas comme du monde, tu sais, c'est comme pas conscient. Mais je pense à pas de conscience psychologique. C'est comme des petits enfants, un peu. Il y a quelque chose de. C'est niaiseux, un peu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais pour Moi, en tout cas, clarifier. ça me fait cet effet-là. Mais pour clarifier, l'âme, est-ce que tu le conceptualises comme étant une structure énergétique qui est autonome, qui passe à travers le corps physique, l'ego? Non, ben, à un moment donné, il est autonome, oui, puis non, là. Mais je veux dire, ça reste que c'est phénoménal. Dans le sens d'un. Il y a un phénomène. Mais je le vois pas comme. Tu sais, c'est le genre d'affaire, de toute façon, tu peux pas, on peut pas vraiment vérifier. Puis... Mais l'âme, c'est clairement une façon de. C'est clairement une fa... C'est lié à l'enregistrement de la... de l'expérimental planétaire dans quelque chose. C'est ça qui va garder l'information. Parce que l'ego, lui, il est amené à mourir, il est amené même à perdre la mémoire de son vivant des fois. Mais l'âme, elle se souvient de tout. C'est elle le véhicule qui va avoir l'information de la mémoire Oui, donc incarnationnelle. un peu comme une boîte noire dans un avion qui Ouais, va c'est elle qui garder. traverse avec ça C'est ça, si l'avion l'éther. crash, ben la boîte noire elle continue à exister, puis ça nous donne des informations par rapport à ce qui a été enregistré pendant le vol. Et tu sais, c'est comme, si tu regardes, mettons, comme les plans des âmes à naître. Eux autres, ils ont été, ils ont passé au bleach, là. L'information, elle a été étudiée. Des fois, ils vont garder un lien, comme, mais on dirait que comment je pourrais dire ça? Ils ont été lavés. C'est ce qui est sur le bord de descendre, là. Ben c'est parce que laver, est-ce que c'est dans le sens que l'âme a un peu comme un disque dur, à un moment donné, il est formaté, c'est-à-dire que où on enlève carrément la mémoire? Je sais pas partout comment ça que c'est de même. Ben Mais moi, je ça sais que c'est de. constaté dans quasiment toutes les cultures. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire qu'en naissant, l'âme va revêtir le voile de l'oubli. Ouais, mais là, un petit peu avant de descendre. Mais, tu sais, parce que sinon, si tu n'as. Mettons que tu es en contact avec une âme qui a ben de la mémoire, puis toute, elle n'est pas dans le gouffre avant de s'incarner, elle est dans l'astral. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore été étudiée, elle n'a pas encore, elle a pas encore, elle a pas été archivée, rien. Fait que, tu sais, c'est comme d'un limbe, on pourrait dire, là, quasiment. D'ailleurs, c'est eux autres les plus bizarres, les plus perdus. C'est des affaires pas intéressantes, dans le fond. C'est eux autres qui donnent l'info ridicule, là, qui souvent, ça se tient pas debout, là, puis... Mais pour le C'est... ouais. C'est parce que pour la notion d'âme, à un moment donné, on avait déjà fait un enregistrement où, tu sais, parce que bon, quand ma compagne était enceinte, j'avais déjà discuté avec toi où ce qu'on avait pas. Moi, je te posais la question, puis là, je juste m'assurer de te suivre, c'est que, tu sais, je me posais, bon, je dis l'âme qui va incarner ma fille, tu sais, parce que des gens vont dire, ben, une âme qui incarne un enfant, ça peut être quelqu'un qui a vécu en Atlantide, ça peut être vécu dans d'autres époques, puis là, si l'âme vient d'un autre temps plus évolué, elle peut être vecteur d'un certain type de vibration ou de savoir. Mais toi, de ce Ben, que c'est ça qu'ils disent. ouais, c'est ça, mais. Tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, ça peut arriver que, bon, je suis pas moi un enfant, on dirait qu'elle a des mémoires parce qu'elle se met à jouer du piano, puis elle est prodige, puis c'est un talent naturel, puis c'est même pas encouragé, puis on sait pas pourquoi. Mais ça veut pas dire que c'est la réincarnation d'un pianiste. Ça veut dire que. Il y a une sensibilité puis un lien avec une mémoire de même. Dans le Mais je moment vois pas de présent, preuve ça ne veut que. pas dire que ça vient du passé. Puis si on embarque le concept de rétro-causalité, ben, il y a des gens qui vont dire, comme André Moreau, nous sommes les héritiers de notre futur, c'est-à-dire notre avoir, ce qu'on a à être, c'est ça qui nous met au monde. Puis que quelque part, si on est appelé à être un pianiste, ben, on va devenir un pianiste parce que on va actualiser cette programmation-là. Moi, tandis que c'est jamais la con, ça vient jamais de la conscience, ces affaires-là, dans le fond. Tant qu'à moi, là. Ben, ça, dans un sens, ça vient de l'astral qui est intercepté. Donc, si quelqu'un a un Ben don de oui. pianiste, il y a des gens qui vont dire que ça vient d'un passé lointain ou ce que dans une autre vie était pianiste virtuose, mais il y en a d'autres qui peuvent dire ben, c'est parce que la personne est liée au futur ou elle va être pianiste, puis elle intègre progressivement le futur qu'elle va actualiser son plein potentiel de pianiste. Ben, il reste que, tu sais, c'est-tu nécessaire, puis c'est-tu de la conscience, dans le sens que ça va m'impressionner plus quelqu'un qui a un talent naturel pour le piano, mais qui l'abandonne parce que c'est pas ça qu'il veut faire, que quelqu'un qui va devenir juste ça. parce que sa sensibilité était portée à ça. Je vais être plus impressionné par quelqu'un qui va aller contre sa programmation.